la frontière belge, les vallées de la Saône et du Rhône, puis le Jura, les Alpes, vers le soir l'Alsace et la Corse. Ces pluies dans les régions inondées proches du delta du Rhône seront toutefois de courte durée, nettement moins intenses que les précédentes. Sur les régions atlantiques, ciel variable avec quelques averses. Il fera dans l'après-midi entre 20 degrés à Brest, Clermont-Ferrand et 26 à Marseille et Ajaccio. Des températures en baisse par rapport à hier du bassin parisien au centre et au sud-ouest. Demain, temps maussade, pluvieux, parfois orageux en Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Franche-Comté. Souvent gris aussi, mais avec des pluies plus faibles de la Manche et du Nord à l'Île-de-France. Ciel plus variable au sud de la Loire, mais il y aura aussi des pluies sous forme d'averses et parfois d'orages, notamment dans le sud-ouest et sur les Alpes, le matin aussi sur la Corse. Retour du soleil en revanche du littoral du Languedoc à la Côte d'Azur. Température le plus souvent en baisse, pour l'après-midi 19 à 22 degrés prévus en général et 23 à 25 sur les rivages méditerranéens. Toutes les prévisions météorologiques, département par département, à la ville, à la mer ou à la montagne, sont disponibles par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. Merci Jacques Hessler. 13h20 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. L'affaire a fait scandale. Soudain, fin 1995, les Polonais apprennent que leur nouveau premier ministre, Joseph Oleksy, a été un espion. Il aurait en effet été longtemps en relation avec le résident du KGB à Varsovie et il sera bientôt obligé de démissionner. Dans ce pays qui vient tout juste d'en finir avec le communisme, le choc est considérable et le soupçon se généralise. Les Polonais exigent des éclaircissements et ce qu'on appellera un peu plus tard une lustration, c'est-à-dire une sorte d'épuration dans les rangs du monde politique et administratif. Il faut ouvrir au plus tôt les dossiers des services secrets et démasquer tous ceux qui ont été compromis avec l'ex-grand frère soviétique ou les organes de sécurité du régime communiste. Une exigence partagée par les citoyens des autres pays de l'ancien bloc communiste et qui sera peu ou prou respectée. Ce n'est par exemple qu'en mai 2005 que les autorités hongroises ont décidé d'ouvrir les archives de la police secrète. Toutefois, nous allons le voir avec Monsieur X, l'affaire Oleksy dissimule sans doute des manœuvres tortueuses. Elle éclate à un moment où le président polonais Lech Walesa, le héros de Solidarność, arrive au terme d'un mandat calamiteux et doit céder le pouvoir à la gauche. Il y a aussi la question très délicate de l'adhésion de la Pologne à l'OTAN, une adhésion très mal vue à Moscou. Alors, que cache exactement l'affaire Oleksy ? Monsieur X ouvre le dossier. Thank you. France Inter, rendez-vous avec X. Avant toute chose, il faut que je vous parle d'un curieux personnage, un certain Marian Zakharski. Ouais. Qui est-ce celui-là? Un espion. Un type très astucieux qui va jouer un rôle considérable dans l'affaire Oleksiy. Mmh. Au moment où le premier ministre polonais est accusé d'avoir fricoté avec le KGB, ce Zakharski occupe de très hautes fonctions au sein de l'UOP, c'est-à-dire le service de renseignement. Le président Walesa va même en faire un général. Enfin, pour bien comprendre, il faut peut-être faire un retour en arrière. Oui, allez-y, je vous écoute. Zakharski a tout juste 20 ans, lorsqu'il est alors recruté par l'ESB. Bah, c'était l'acronyme des services polonais sous le régime communiste. Écoutez, on est en quelle année, là? Ah bon, au tout début des années 70. Et après 3 ans de formation, Zakharski est envoyé aux États-Unis. Sous couverture, j'imagine. Oh, bien sûr. Officiellement, le jeune homme est engagé comme agent commercial dans la filiale états-unienne d'une entreprise polonaise. Dans quelle branche? Les machines industrielles ou la métallurgie, enfin bon, peu importe. Une parenthèse d'abord. Mmh. À l'époque, les services de renseignement polonais, comme tous les autres services des pays de l'Est, travaillent en parfaite collaboration avec leurs homologues soviétiques. Mmh. Sous les ordres de Moscou, vous voulez dire, hein? Ouais, exactement. Mmh. Moscou qui poursuit un objectif prioritaire. Pour rattraper leur retard technologique, mais aussi pour économiser des années de recherche, les soviétiques ont décidé de se livrer à un pillage systématique des secrets industriels de l'Ouest. Un pillage coordonné au plus haut niveau à Moscou par un organisme intergouvernemental lié à l'Académie des sciences. Mmh. Oui, ça, c'est ce que révélera l'affaire Farewell. Oui, du nom de code de ce haut responsable du KGB qui trahira au profit de notre service de contre-espionnage. Et d'ailleurs, Farewell, de son vrai nom, Vetrov, va intervenir dans cette histoire. Oui, bon, pour aller vite quand même, Zakharski, là, est envoyé aux États-Unis pour participer à cette vaste entreprise d'espionnage industriel. Ouais, c'est ça. Et il s'installe sur la côte ouest, en Californie, dans la Silicon Valley, exactement. Là où on assiste à un formidable foisonnement dans les secteurs technologiques les plus pointus. Et assez vite, Zakharski choisit son objectif. Qui ou quoi? Un de ses voisins, un certain William Holden Bell. Ce type, beaucoup plus âgé que lui, est ingénieur dans la célèbre compagnie Hughes Aircraft. Ouais, la compagnie du milliardaire Howard Hughes. Ouais, une entreprise qui travaille notamment pour la défense américaine. Zakharski se débrouille pour devenir ami avec son voisin. On se reçoit, on bavarde, on joue au tennis, enfin bref. Bientôt, Zakharski n'ignore plus rien de la vie de l'ingénieur Bell. Ça, c'est un travail d'approche, en somme. Oui, qui vise surtout à découvrir d'éventuelles failles dans la vie de cet ingénieur. Or, des failles, ben, il y en a au moins deux. D'abord, Bell a perdu un fils qui aurait à peu près le même âge que Zakharski. Ah mais là, il reporte son affection sur l'espion. Et il en vient à considérer Zakharski comme son nouveau fils. Une affection toute filiale que le Polonais lui rend bien, ou fin de lui rendre. La deuxième faille n'est pas moins importante. Bell a divorcé et doit payer à son ex-épouse une très très coûteuse pension alimentaire. En outre, il s'est remarié avec une femme plus jeune que lui, qui lui a donné un enfant. Ah, il a donc de gros besoins d'argent. En effet. Mmh. Et son bon ami Zakharski est tout à fait disposé à lui venir éventuellement en aide. Ah oui, on lui prétend de l'argent. Et en ne le réclamant jamais le remboursement de ses prêts. Non, Zakharski préfère au contraire que Bell lui donne quelques informations sur son travail. Bah, c'est de l'espionnage industriel, ça. Hein? Mais enfin, Bell n'y voit pas malice et il satisfait sans difficulté la curiosité de son ami. Il est naïf ou quoi? Bon, disons simplement qu'il a vraiment besoin d'argent, d'autant que bientôt la maison dont il est locataire va être mise en vente et qu'il n'a pas le premier dollar pour l'acheter. Ah, heureusement, son ami Zakharski vient à son secours. Hein. Et là, il y en a pour des dizaines de milliers de dollars. Hein. Ouais. Et Bell ne s'étonne toujours pas. Ah, bien sûr que si, mais il est trop tard. Il a mis la main dans l'engrenage et il ne peut plus reculer. D'ailleurs, au cours d'un voyage en Europe, un autre Polonais membre, lui aussi du SB, le lui fait très fermement comprendre. Au cas où il refuserait de coopérer, il serait immédiatement dénoncé au FBI. Mmh. Donc coincé. Ouais, et il va fournir aux agents polonais une masse impressionnante de documents secrets. Dans quel domaine alors? Bell est le responsable chez Hughes Aircraft du programme Radar. Il peut donc fournir aux Polonais, donc aux Soviétiques, des informations très précieuses sur les nouveaux radars américains. Mais il n'y a pas que ça. Grâce à sa situation de cadre supérieur, il peut aussi avoir accès à d'autres programmes de recherche. C'est ainsi qu'il livre à son ami Zakharski des plans ultra secrets de missiles et même de missiles antimissiles. Ah, ça, c'est les fameux missiles patriotes. C'est ça. Ouais. Et au total, on estimera que Bell a permis aux Soviétiques d'économiser des dizaines de millions de dollars. Et surtout, surtout 5 années en recherche et développement. Oui, mais là, Bell a fini par être pris. En 1981, oui. En même temps que son complice, Zakharski, d'ailleurs. Le FBI affirma que l'ingénieur était sous surveillance depuis très longtemps. Mais, à mon avis, c'est Farwell qui a mis les Américains sur la piste. Par le biais de la DST française. Je le crois. Farwell, qui a permis aux Occidentaux de saisir l'importance de la pénétration soviétique dans tous les domaines scientifiques et technologiques. Grâce à lui, des centaines d'agents ont été repérés, arrêtés ou expulsés. Mmh. Oui, on en a déjà parlé. Mais pour revenir à Bell là, et Zakharski, ils sont donc tous les deux sous les verrous. Et l'ingénieur états-unien, qui a compris dans quel pétrin il s'est fourré, se montre très coopératif avec les agents fédéraux. Quoi, pour obtenir une réduction de peine? Ouais, bien entendu. Ouais. Et effectivement, après avoir déballé tout ce qu'il savait, il ne sera condamné qu'à 8 ans de prison. Tandis que Zakharski, espion étranger, sera, lui, condamné à la réclusion perpétuelle. Mais, vous le savez bien, les espions purgent rarement la totalité de leur peine. À cause des échanges? Oui, ces fameux échanges d'agents qui ont lieu généralement, pour ce qui concerne l'Est et l'Ouest, à Berlin, sur le pont métallique de Glinnike. Le pont des espions. C'est en effet ainsi qu'on l'a nommé. Et c'est un homme dont on reparlera peut-être un jour, l'avocat est-allemand Wolfgang Vogel, qui négociait et organisait habituellement ces échanges spectaculaires. Donc, Zakharski a bénéficié de l'un de ces échanges d'espions. En 1985, oui. Et un signe montre que du côté de l'Est, on avait vraiment très envie de récupérer Zakharski. Quel signe? Zakharski et 3 autres espions, 2 est-allemands et 1 bulgare, ont été échangés contre 25 agents occidentaux. Ordinairement, les soviétiques étaient plus économes de leur prise. Oui. Et que devient alors ce Zakharski? De retour en Pologne, il est accueilli comme un héros. C'est donc que son travail d'espion a été apprécié. Ah, forcément. Il se voit aussitôt proposer un très bon poste. Toujours dans les services secrets? Non, encore que... Que voulez-vous dire là? Il obtient la direction générale d'une firme d'import-export. Et vous êtes bien placé pour savoir ce que ce genre d'entreprise peut quelquefois dissimuler des officines de renseignement. Bon, en tout cas, il y reste plusieurs années jusqu'à la chute du communiste, en fait. Et ensuite? Il se fait engager dans le privé. Une société d'informatique. Mais il est très probable qu'à cette époque, il est resté en contact avec le service de renseignement Nouvelle Manière, l'UOP. Malgré le fait qu'il avait été quand même un espion communiste. Que voulez-vous? Dans ce domaine, les bons éléments sont rares. Et Zakharski avait incontestablement fait la preuve de son talent. Donc, il a été récupéré. Et il va même connaître une ascension foudroyante. En 1994, le président Wałęsa le nomme à la tête de l'UOP. C'est-à-dire chef des services secrets. Oui. Mais à l'Ouest, en tous. Parce qu'on n'a pas oublié les dégâts qu'a provoqué Zakharski dans le camp occidental. Jak przyjaciółce drogiej, powierzam moje łzy, choć noc nie śpimy o lubie. Już wtorek wyga złodziej, za oknem środa rano, jak dawniej wszystko jest. Choć nie tak samo. Tabakiero czas na sen, lecz nim odfrunę. Te papierosa daj, jak jego pocałunek. Zaśnij i niczego na dzisiaj już nie żałuj. Masz znak na sobie jego i nic ja mu. Te tabakiery, chociaż taką ciebie część. Te tabakiery mogę dziś przy sobie mieć. Te tabakiery, znak miłości twojej. Niech truje to mnie boli. Te tabakiery, taką ciebie część. Te tabakiery mogę dziś przy sobie mieć. Na zawsze zostawię znak miłości twojej. Niech truje to mnie boli. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'écrivain américain John Barron, lui-même ancien officier de renseignement, a évoqué les activités d'espion de Zakharski dans l'un de ses ouvrages « Enquête sur le KGB ». Il recense la somme de secrets industriels que le Polonais a dérobés grâce à l'ingénieur Bell. Parmi les documents secrets, il y en avait d'importance primordiale pour l'Occident. Ainsi, le système radar à dénivelé négatif du F-15, le radar silencieux des bombardiers B-1 et Stealth, un système radar tout temps pour char, un système radar expérimental destiné à la marine américaine, le missile RR Phoenix, un radar de surveillance naviportée, le missile solaire Patriot, un système sonar sous-marin à antenne remorquée, un nouveau missile RR, le missile solaire amélioré Hawk, et un système de défense aérienne de l'OTAN. Les renseignements donnés par ces documents mettent en danger les armes existantes et les systèmes d'armement futurs des États-Unis et de leurs alliés. L'acquisition de ces renseignements fera économiser au gouvernement polonais et soviétique des centaines de millions de dollars d'efforts de recherche et de développement en leur permettant d'utiliser des plans conçus par les Américains et en mettant au point des systèmes opérationnels similaires en beaucoup moins de temps. Et les descriptions de ces armements leur offriront la possibilité de développer des systèmes de défense adéquats. Les Américains, apprenant la nomination de Zakharski à la tête des services secrets polonais, sont donc furieux. Ah oui, et avouez qu'il y a de quoi. Voir un espion qui a pillé leurs secrets les plus précieux occuper un tel poste, c'est inadmissible pour les autorités états-uniennes. Surtout à un moment où la Pologne aspire à rejoindre l'OTAN. Et c'est ressenti alors comme une sorte de provocation. Absolument. Et Washington, qui ne manque pas de moyens de pression sur Varsovie, le fait savoir à Waleza. Même l'ancien conseiller du président Carter, Zbigniew Brzezinski, s'en mêle. Parce qu'il est d'origine polonaise, Zbigniew. Il se sent donc particulièrement concerné. Et cette personnalité influente aux États-Unis déclare que cette nomination pourrait entraver le processus d'intégration de la Pologne à l'OTAN. On ne peut pas être plus clair. Ça ressemble même à une forme de chantage. Ça marche ? Bien entendu. Lech Walesa ne tarde pas à reculer. Dès le lendemain de la déclaration de Brzezinski, le président polonais annonce dans un communiqué de presse que la nomination de Zakharski est annulée. À cause de l'OTAN, alors. Oui, d'ailleurs, ce communiqué reprend à peu près, mot pour mot, la déclaration de l'ancien conseiller de Carter. Toutefois, Walesa ne manque pas de souligner les éminentes qualités professionnelles de Zakharski. Et pour montrer qu'il lui garde sa confiance, il en fait un conseiller spécial de la direction des services secrets. Maigre consolation pour Zakharski, non ? Certes, mais l'essentiel, c'est que Zakharski reste dans le jeu. Reste dans le jeu, c'est-à-dire ? Il faut qu'il garde un œil sur les services. En outre, il ne faut pas l'oublier, l'ancien espion est un homme très très bien informé. Et ça peut toujours servir. À qui ? À Walesa ? Évidemment. Pour l'instant, le prix Nobel de la paix n'a guère brillé à la tête de son pays. Il a même réussi à provoquer des scissions au sein de Solidarność. Un véritable émiettement, pas entrer dans le détail, mais beaucoup de ses anciens amis lui reprochent son autoritarisme, sa mégalomanie et même sa grossièreté. Ces rapports trop étroits, quand même, avec l'épiscopat. Oui, bien sûr. Mais la grande question qui agite la Pologne en ces premières années de l'ère post-communiste, c'est justement l'attitude à adopter face aux anciens communistes. Qui ont créé, eux, un parti social-démocrate. C'est exact. Oui. Walesa et ses proches sont partisans de la fermeté et donc d'une véritable épuration, tandis que d'autres, au contraire, sont partisans de tirer un trait sur le passé. Non sans sagesse, car, disent-ils, de trop nombreux Polonais se sont compromis, volontairement ou non, avec l'ancien régime. Alors, pour cela, il vaut mieux oublier et travailler avec tout le monde pour reconstruire le pays. Oui. Ce que n'accepte pas Lech Walesa. Non, lui préférerait une réelle chasse aux sorcières. Mais il a déjà perdu la main. En 1993, lors des élections législatives, les Polonais, sans doute lassés par les manœuvres politiciennes de Walesa, qui s'est opposé à tous les gouvernements successifs, donne la victoire à la gauche. Les anciens communistes. Oui, une véritable claque pour Solidarność qui ne réussit même pas à franchir la barre des 5%. Une barre nécessaire pour être représenté à la diète. Et désormais, Walesa, obligé de subir une cohabitation malaisée, peut nourrir des craintes pour l'élection présidentielle qui doit se dérouler à la fin 1995. Alors, je reviens à ce que je disais, la présence à ses côtés d'un type comme Zakharski peut être un atout. parce que c'est certain, l'ancien espion possède des dossiers. Mais des dossiers sur les hommes qui ont collaboré avec l'ancien régime communiste. Oui, et surtout avec les organes de sécurité et les services de renseignement de l'Est. Mais poursuivons. Au début de 1995, Lech Walesa suscite une nouvelle crise gouvernementale. Et après de laborieuses négociations, c'est Joseph Folexé, le président de la Chambre, qu'on appelle là-bas la Diète, qui est chargé de former le nouveau gouvernement. C'est donc un homme de gauche, hein? Un des fondateurs du Parti Social-Démocrate, issu de l'ancien Parti Communiste. Mmh, oui. Donc, encore un adversaire pour Walesa. Hein? Ah, obligatoirement, et qui va rapidement devenir l'une de ses bêtes noires. Mmh, alors, avant d'aller plus loin, là, un mot peut-être sur cet homme? Volontiers. Disons tout de suite que cet ancien apparatchik est très populaire en Pologne. Malgré son passé communiste. Oui, car Oleksiy a mis beaucoup d'eau dans son vin depuis la fin du régime communiste. D'abord, cet homme a reçu une éducation religieuse. Il a même failli devenir prêtre. Et de façon assez démagogique, élu président de la Diète, il ira en pèlerinage au sanctuaire de la Vierge Noire. Il veut sans doute se faire pardonner son passé communiste. Bon, on peut le penser, car l'homme qui n'est pas sans talent a fait une brillante carrière au sein du Parti communiste polonais. Mais là encore, alors qu'il a été nommé par le général Jaruzelski, premier secrétaire d'une région de l'Est du pays, connu pour sa ferveur religieuse, il a très intelligemment composé avec l'Église. Il a même autorisé la construction de plusieurs lieux de culte. Ouais, c'est un communiste atypique, celui-là. Hein? Non, un communiste malin, qui s'est aussi à l'occasion donné des coups de griffe. En tout cas, ce qui compte dans notre histoire, c'est l'hostilité de Walesa à l'encontre d'Oleksiy. Mais aussi de son ami Kwaśniewski, l'autre fondateur du Parti Social-Démocrate, qui défendra les couleurs de son camp dans la future élection présidentielle. Contre Walesa, donc. Mais, car l'ancien leader de Solidarność n'a pas fait mystère de son intention de se représenter. Et en prévision de cette élection, la campagne présidentielle exacerbe les tensions entre la gauche et la droite. Et malheureusement, comme souvent dans la vie politique polonaise, l'antisémitisme refait surface. Ouais, mais enfin, avait-il vraiment disparu, hein? Bon, on peut en effet se poser la question. En tout cas, c'est vrai que lorsque les tensions apparaissent, certains Polonais tentent de désigner un bouc émissaire. Le juif. Ouais, ça va très loin. Au mois de mai, la droite, et parmi elle, il y a beaucoup de membres du syndicat Solidarność, organise une grande manifestation devant le siège de la présidence du Conseil. Manifestation anti-Oleksiy. Et très anti-communiste. Mais pas seulement. Les manifestants brûlent une effigie de Joseph Oleksiy, sur laquelle on a peint une étoile de David peinte en rouge. Et les slogans qu'on entend sont insupportables. Les protestataires réclament la chambre à gaz pour le Premier ministre et les membres de son gouvernement, parmi lesquels il y a, entre parenthèses, un survivant d'Auschwitz. Mmh. Mais cet antisémitisme-là, Oleksiy, est-il juif? Bah, je n'en sais rien, puis je m'en moque. C'est le symbole qui compte et ça ne va pas s'arrêter là. Un mois plus tard, Solidarność tient son congrès à Gdansk. Un congrès ouvert par une messe au cours de laquelle un prêtre, qui est aussi un conseiller de Lech Walesa, prononce une homélie violemment antisémite. Que dit-il exactement? Eh bien, il affirme que l'étoile de David est une synthèse de la croix gammée et de la faucille et du marteau. Et il ne s'en tient pas là, car il déclare que les vrais Polonais ne peuvent accepter d'être gouvernés par des hommes dont on ne sait s'ils viennent de Moscou ou d'Israël. Ce genre de discours ne provoque pas de protestation en Pologne? Bien sûr que si. En Pologne, la petite communauté juive, mais aussi le secrétaire de l'épiscopat, désapprouvent. Et aux États-Unis, les réactions sont très vives. Mais il faudra une intervention de Bill Clinton pour que Walesa se décide enfin à condamner les propos tenus par ce prêtre. En fait, ce qui est grave dans cette affaire, c'est l'amalgame qui a été fait entre judaïsme et communisme. Mmh. Alors même, il faut le rappeler que le régime communiste dans les années 60 avait lui aussi joué sur l'antisémitisme des Polonais. Hein. Ah ouais, vous avez parfaitement raison, mais enfin, fermons la parenthèse. Cette campagne, en tout cas, montre à l'évidence que Walesa et la droite sont prêts à tout pour éliminer les sociaux-démocrates. Et c'est là qu'on va retrouver le maître espion Zakarski. Kwaśniewski est à peine élu contre Walesa qu'un énorme scandale éclate. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Libération a publié en mars 1995 un portrait de Joseph Oleksiy. Je cite la correspondante du journal, Elisabeth Kulakowska. Avec sa tête ronde, son crâne lisse et dégarni, Oleksiy est depuis longtemps l'enfant chéri des photographes. Mais derrière ses allures débonnaires et de bon vivant se cache un homme travailleur et exigeant. « Je suis rigoureux envers moi-même et les autres », déclare-t-il. Les médias l'apprécient pour son sens de l'humour, mais n'hésite pas à lui rappeler régulièrement son lourd passé d'apparatchik communiste. Membre du Parti des Chauves, un rassemblement gaguesque, marié et père de deux enfants, le nouveau chef du gouvernement participe volontiers au talk show à la mode, ouvre les portes de sa maison aux revues féminines et parle sans complexe aussi bien de ses hobbies, les voyages, la littérature et depuis un an la parapsychologie, que de ses convictions politiques pour le moins élastiques à en croire sa biographie. Et la journaliste doit donner cet exemple. L'homme qui a symbolisé ces dernières semaines le consensus face à l'intransigeance de Lech Walesa et qui, pour former son gouvernement, a cédé aussi bien au président en acceptant trois ministres proches de Walesa qu'à la coalition, n'a cependant pas toujours été un modèle de souplesse. En avril 1989, alors ministre chargé au sein du dernier gouvernement communiste de Mieczysław Rakowski, des conflits sociaux et de la coopération avec les syndicats, il en appelle dans les colonnes d'un journal du parti au respect des normes léninistes au sein du Parti communiste polonais. Alexander Kwaśniewski triomphe de Lech Walesa le 19 novembre 1995. Un mois tout juste plus tard, son camarade, le premier ministre Joseph Oleksiy, est accusé de collusion avec une puissance étrangère. Il faut souligner qu'à ce moment, Kwaśniewski n'a pas encore été investi. Donc, Walesa termine son mandat, là. Et il n'en a plus que pour 4 jours. Ah, et là, vous ne pensez que c'est pas un hasard? Écoutez, n'allons quand même pas trop vite, s'il vous plaît. Faisons un petit retour en arrière, si vous voulez bien. La scène se passe au Baléar, très peu de temps avant les événements dont nous venons de parler. Zakarski, qui grâce à Walesa occupe une place de premier plan dans les services polonais, a fait le déplacement à Palma de Majorque afin d'y rencontrer un Russe, un nommé Alganov, qui y passe ses vacances. Et qui est-ce, ce type-là? Ou un ancien du KGB qui, comme la plupart de ses collègues, s'est reconverti dans les affaires lorsque l'Empire soviétique s'est écroulé. Ouais, les privatisations. Ouais, ouais. C'est fou ce que ces anciens KGBistes ont eu le sens des affaires au bon moment. Enfin, passons. Ce qui intéresse Zakarski, c'est que Vladimir Alganov a longtemps été le résident du KGB à Varsovie. Ouais, donc les deux hommes se connaissent déjà. Ouais. Bah, c'est très vraisemblable. Ouais. Oui. Alors que veut Zakarski? Il sait qu'il existait au sein des plus hautes instances du Parti communiste polonais un agent soviétique. Ouais, il fait même y en avoir plusieurs, non? Je vous le concède, encore que, évoquant cette affaire, un porte-parole du SVR russe, l'un des organismes qui a succédé au KGB, affirmera sans rire que jamais les services spéciaux soviétiques n'avaient recruté d'agents dans les pays socialistes. Oh, c'est pas sérieux. Hein. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, voyons la suite. Zakarski, qui est décidément bien renseigné, fait état devant Alganov d'un agent dont le nom de code aurait été Olin. J'ajoute que cette rencontre se passe comme dans les meilleurs romans d'espionnage. Une chambre d'hôtel, des micros cachés. Mais cachés par qui? Par Alganov, qui n'a donc rien perdu de ses anciens réflexes, mais Zakarski aussi aurait dissimulé sur lui un magnétophone. Décidément, oui. Ouais, enfin, tous ces hommes étaient naturellement méfiants. Quoi qu'il en soit, à la clé, si Alganov crache le morceau, il y a une valise de billets et une superbe créature en supplément. Pas mal, quand même. Enfin, Zakarski veut donc savoir qui se cache derrière Olin. Et si vous voulez mon avis, il a déjà sa petite idée. Sinon, il ne serait pas venu au Baléa. Alors, qui soupçonne-t-il? Le premier ministre, Joseph Oleksiy. Et Alganov confirme? Oui. Mais je ne sais pas ce qui s'est réellement passé entre les deux hommes. Attendez, vous devez quand même avoir une idée, non? Bien entendu, mais c'est une formidable partie de poker menteur qui se joue alors entre les deux espions ou ex-espions. Toutefois, encore un peu de patience et je vous expliquerai. Ce qui est important, c'est que Zakarski revient à Varsovie avec la certitude que Olin est bien le nom de code de l'ancien agent soviétique Oleksiy. La certitude aussi que Oleksiy a continué à collaborer avec les Russes après la chute de Gorbatchev. Et il communique l'information à Lech Walesa? Bah évidemment, l'ancien leader de Solidarność est ravi. Mais il doit utiliser cette carte à bon escient. Et au bon moment. Et pendant ce temps-là, Zakarski constitue un dossier le plus crédible possible sur Oleksiy, alias Olin. Alors comment, quand même? Zakarski a gardé de très bonnes relations avec ses anciens amis soviétiques. Et grâce à eux, il a dû obtenir des informations qui accréditent les renseignements fournis par Alganov. En tout cas, au moins pour l'instant, vous aussi, hein, vous semblez croire que Alexei était coupable. Bon, écoutez, vous voulez toujours aller trop vite. Je vais tout expliquer, mais ça, je vous l'ai promis. Donc, quand utiliser l'information? Évidemment, Valessa pourrait faire éclater l'affaire lorsque Alexei est nommé Premier ministre. Mais c'est trop tôt, car Valessa est surtout préoccupé par l'élection présidentielle. Une élection qui, il en est sûr, va être extrêmement serrée. Oui, et ça va être effectivement le cas, je crois. Hein. Oui, mais l'écart entre les deux candidats sera relativement faible. Alors, Valessa croit-il pouvoir encore l'emporter? En tout cas, à sa demande, Zakharski garde le dossier Alexei sous le coude. Et finalement, il va attendre le lendemain de l'élection présidentielle. Mmh. Et donc, sa défaite. Eh oui. Oui, mais si Valessa est battu, à quoi peut lui servir cette révélation? Bah, on peut d'abord penser que le président polonais se venge. D'accord, mais enfin, a posteriori. Et puis alors, dans cette affaire-là, ce n'est pas le nouveau président qui est visé, mais le premier ministre. Certes, mais ils appartiennent tous deux au même parti, et la mise en cause de Alexei peut conduire aussi à une déstabilisation de Kvasnevski, le président nouvellement élu. Moi, je persiste à penser que ça aurait quand même eu plus d'effet si ça s'était passé avant l'élection présidentielle. Bah, encore une fois, je suis d'accord. Mais peut-être que Valessa ne maîtrisait pas toute l'affaire. Encore des mystères. Mais qui vont bientôt se dissiper, vous inquiétez pas. Alors, voyons d'abord les faits. Le 19 décembre, soit 4 jours avant l'expiration du mandat de Valessa, celui-ci, très mystérieux, révèle l'existence d'une affaire qui menace la sécurité de l'État. Mais il n'en dit pas plus. Pourquoi ? Parce qu'il va laisser à un autre, le ministre de l'Intérieur, Andrei Milchanovski, le soin d'exposer toute l'affaire. Mais pour quelle raison ? Ben parce que Milchanovski est un homme unanimement respecté. Ah là, oui, on ne le suspectera pas d'avoir monté un coup tordu. En effet. Ouais. Donc 2 jours plus tard, le ministre de l'Intérieur annonce très solennellement devant les députés que le chef du gouvernement, Joseph Alexei, est accusé d'avoir sciemment transmis des informations et des documents à des agents d'une puissance étrangère. Il donne des détails? Non. Non, mais tout le monde l'a compris. L'accusation est transparente. Ancien communiste, Alexei ne peut avoir eu de relation qu'avec le KGB. Conséquence immédiate, les partisans de Valessa attaquent et demandent que le président élu, Kvasnevski, ne soit pas investi. Et ils disent haut et fort que le gouvernement d'un pays candidat à l'adhésion à l'OTAN ne peut pas être dirigé par un ancien espion russe. Et le présumé espion, lui, comment réagit-il? Il se défend bec et ongles et nie avec force. Et tout comme ses amis politiques, il dénonce une machination du clan Valessa. Ouais, logique, ça. Mais peu à peu, des informations plus précises transpirent. Un détail important auparavant. Juste avant de quitter la présidence de la République, Valessa promeut 4 membres des services secrets, dont Zakharski, qui est nommé général. Un autre de ses agents, promu lui aussi général, attire l'attention. Car autrefois, sous le régime communiste, il a fait lourdement condamner des militants de Soldatnoch en fabriquant de faux documents. Ah, je vois où vous voulez en venir, là. Si ce type a déjà été un faussaire, hein, pourquoi n'aurait-il pas agi de la même façon avec Alexei? Et tout ça, vous l'imaginez, ne grandit pas l'image de Valessa qui, en récompensant ses hommes, semble bien être au centre de toute l'affaire montée contre le Premier ministre. Oui, mais vous me parliez là de nouvelles informations. Oui, en janvier, un journal polonais lâche le morceau et révèle le nom d'Alganov, l'homme du KGB puis des nouveaux services russes qui aurait été l'officier traitant de Joseph Alexei. Alganov, qui a été jusqu'en 1992 diplomate à l'ambassade soviétique, puis russe de Varsovie. Mais ça, c'est la couverture diplomatique, ça. Et cette fois, Alexei doit répondre de façon précise. A-t-il eu, oui ou non, des relations avec Vladimir Alganov? Réponse? Eh bien, Alexei ne nie pas. Bien au contraire, il reconnaît que Alganov était un ami. Donc c'est vrai, il l'a rencontré à de nombreuses reprises, mais uniquement dans un cadre privé. Ce que confirme d'ailleurs à Moscou l'ancien agent du KGB au cours d'une conférence de presse manifestement organisée par les services russes. Il n'empêche que la position du Premier ministre est affaiblie. D'autant qu'après avoir dit que Alganov était son ami, il minimise maintenant la nature de leur relation. Mmh. Oui, l'excès là, est dans la nasse. Oui, oui. Et quand le parquet militaire annonce qu'il va ouvrir une enquête, Alexei démissionne. Car, affirme-t-il, il est innocent. Curieux, ça. Pour mieux se défendre? Bah, on peut le penser. En tout cas, deux jours plus tard, Alexei est triomphalement élu à la présidence de son parti. C'est-à-dire qu'il garde la confiance des siens, au moins. Les siens qui ont maintenant, après la défaite de Valesa, la main mise sur tous les rouages du pouvoir. Il ne se passera guère de temps avant que l'enquête soit purement et simplement classée et que les quatre agents de l'UOP promus par Valesa soient virés des services secrets. Quant à Alexei, s'il a effectivement dû quitter la tête du gouvernement, il continuera à jouer un rôle essentiel dans la vie politique polonaise. Alors, il est peut-être temps là de m'expliquer ce que cache toute cette affaire. Bah, la première idée, la plus simple, consiste à tout mettre sur le dos de Lech Walesa. Ouais, la vengeance d'un homme politique battu, quoi. Ouais, enfin je n'y crois pas. Mais pourquoi, hein? Parce que Walesa n'avait pas les moyens de monter une aussi subtile affaire de désinformation. D'accord, alors qui? Ben, j'ai longtemps été troublé par une coïncidence. C'est à la même époque qu'aux États-Unis, le chef du contre-espionnage de la CIA, Aldrich Ames, a été démasqué. Cet homme qui, depuis longtemps, travaillait pour le KGB, aurait très bien pu dénoncer Alexei. Mmh. Oui, mais l'intérêt des Américains dans cette affaire, hein? La déstabilisation d'un pays où les ex-communistes venaient de s'emparer du pouvoir. Mais là encore, j'ai des doutes. Non, je crois en réalité qu'il faut regarder du côté de Moscou. Moscou, hanté par la perspective de voir tous ses anciens pays satellites rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Et la clé, c'est cette fameuse rencontre entre Alganov et Zakharski au Baléares. Mmh. Expliquez. Ben, Zakharski est venu essayer de tirer les vers du nez de l'ancien espion du KGB, afin de compromettre Alexei. Oui, avec l'accord de Walesa, naturellement. Plaît, ouais. Alganov, très habilement, tergiverse. Mais quand l'autre lui promet la remise d'une valise de billets, il feint de se rendre et s'engage à fournir un épais dossier à son interlocuteur. Un dossier sur Alexei, quoi. Ouais. Un dossier qui a été fabriqué de toutes pièces par les services russes, avec peut-être au milieu de vrais documents extraits des archives du KGB. Un dossier qui sera sans doute complété par les faussaires des services de Varsovie. En tout cas, lorsque Zakharski retourne chez lui, il est vraiment persuadé qu'il vient de démasquer Alexei. Et il en informe aussitôt Walesa. À lui de jouer comme il l'entendra. Uh-huh. Walesa, là, alors, en relayant l'accusation contre Alexei, a donc fait involontairement le jeu de Moscou. Je le pense, oui. Moscou qui croyait qu'en révélant que le Premier ministre était un espion de l'Est, les Américains prendraient peur et s'opposeraient à l'entrée de la Pologne dans l'OTAN. Mais la manœuvre a fait long feu. Parce que les sociaux-démocrates au pouvoir ont prestement étouffé l'affaire. Mmh. Au fait, alors, Alexei, a-t-il vraiment collaboré avec les Soviétiques? Pourquoi pas? Mais combien étaient-ils les Polonais qui ont sciemment ou pas informé les agents du grand frère? Aujourd'hui encore, le mystère demeure. Et il en sera ainsi tant qu'à Moscou, on ne se décidera pas à ouvrir vraiment les archives du KGB. Enfin, je vous recommande la lecture du livre de Roumania, Ugarchinska, KGB et compagnie, qui donne une excellente version de l'affaire Alexei, mais dont les conclusions infirment celles de Monsieur X. À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Allô, le conseiller Gaz de France ? Lui-même. Voilà, en 2003, j'ai fait construire une petite maison équipée avec une de vos solutions Dolce Vital. Oui. Mais aujourd'hui, je me demande si le gaz naturel reste toujours aussi bon marché. Écoutez, non seulement il reste l'une des énergies les moins chères du marché, mais à consommation constante, je peux même vous dire qu'avec les baisses précédentes de nos tarifs, vous paierez pour votre chauffage même pas 2% de plus qu'en mai 2003. Oh, c'est fou ça. Surtout que mes rosiers, eux, ont drôlement grimpé pendant ce temps-là. Dolce Vita de Gaz de France. Toujours plus de confort, toujours plus d'économie. Appelez le conseiller au 0810-140-150, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Client au tarif B1 en vigueur au 1er septembre 2005. LCL, c'est le Crédit Lyonnais en trois lettres. Et avec LCL, demandez plus, plus à votre argent. Plus de performance, plus de disponibilité, plus de rapidité. Plus. Avec LCL, demandez plus, plus à votre argent. Plus. Bonjour, c'est Jacques Vendroux. Ce soir, sur France Inter, grande zone à partir de 20h, Interfootball. Tous les matchs, tous les buts, toute la saison de football et à 22h, 23h et minuit, le rendez-vous important, le rappel évidemment de tous les résultats. Interfootball, également diffusé sur internet, www.franceinter.com. Rendez-vous donc ce soir 20h sur France Inter Grande Zone. C'est la rentrée pour tout le monde, même pour CO2 Mon Amour. Dans quelques instants, vous écoutez France Inter, il est 14h.